j'aimerais entendre, cœur et corps, c'est mon désir, que chacun a la prise à prendre et la chante à son plaisir. Parmi l'autre messager ne sera douleur montrée à la meilleure qui soit née. Valeur prisée, car orgueil ne pourrait fier. Si je devais ma pensée lui découvrir le premier, mes besoins et désirés, et ce qu'on ne peut attendre, aux mains ou aux faits entreprendre. Martyr, toujours et à toutes gens, que bien je le devrais dire à madame seulement. L'amour n'a rien dit vraiment, si pourtant elle m'oublie, moi je ne l'oublierai ni.